Psaume 39. Psaume de David, donné au maître chantre, savoir, âgé du thym. J'ai dit, je prendrai garde à mes voix, afin que je ne pêche point par ma langue, je garderai ma bouche avec une muselière, pendant que le méchant sera devant moi. J'ai été muet sans dire mot, je me suis tu du bien, mais ma douleur s'est renforcée. Mon cœur s'est échauffé au-dedans de moi, et le feu s'est embrasé en ma méditation, j'ai parlé de ma langue, disant, Éternel, donne-moi à connaître ma fin, et quelle est la mesure de mes jours, fais que je sache de combien petite durée je suis. Voilà, tu as réduit mes jours à la mesure de 4 doigts, et le temps de ma vie est devant toi comme rien. Certainement ce n'est que pure vanité de tout homme, quoi qu'il soit debout, c'est là. Certainement l'homme se promène parmi ceux qui n'a que de l'apparence, certainement on s'agite inutilement, on amasse des biens, et on ne sait point qui les recueillera. Or, maintenant, qu'ai-je attendu, Seigneur? Mon attente est à toi. Délivre-moi de toutes mes transgressions, et ne permets point que je sois en opprobre à l'insensé. Je me suis tu, et je n'ai point ouvert ma bouche, parce que c'est toi qui l'as fait. Retire de moi la plaie que tu m'as faite, je suis consumé par la guerre que tu me fais. Aussitôt que tu châties quelqu'un en le censurant à cause de son iniquité, tu consumes sa beauté comme la teigne. Certainement tout homme est vanité, c'est là. Éternel, écoute ma requête, et prête l'oreille à mon cri, et ne sois point sourd à mes larmes, car je suis voyageur et étranger chez toi, comme ont été tous mes pères. Retire-toi de moi, afin que je reprenne mes forces, avant que je m'en aille, et que je ne sois plus.